j'ai droit à 3 mètres d'herbe. C'est peu, mais c'est déjà beaucoup. J'ai droit à ma plante verte, tout en caoutchouc, y a rien à dire. J'ai de la verdure, c'est bon pour mes petits poumons. Passion de la nature, je rêve de vaches et de moutons. Et quand on sème dans la luzerne, je suis comme un poisson dans l'eau au milieu des prés. Quand on sème dans la luzerne, c'est ma joie, ma vérité de te rouler dans l'herbe mouillée. La Scandinave, tout nu dans la mer glacée. L'amour en long, l'amour en large, l'amour sur canapé. Chacun ses goûts, chacun sa culture. Tout est mauvais ou tout est bon. Moi j'ai la passion de la nature, je rêve de vaches et de moutons. Et quand on sème dans la luzerne, je suis comme un poisson dans l'eau au milieu des prés. Quand on sème dans la luzerne, c'est ma joie, ma vérité de te rouler dans l'herbe mouillée. Quand on sème dans la luzerne, je suis comme un poisson dans l'eau au milieu des prés. Quand on s'aime dans la luzerne, c'est ma joie, ma vie.